Non, mes yeux ne pleuraient pas, mes mains ne tremblaient pas en entendant son pas, en écoutant sa voix. Non, mes yeux ne pleuraient pas quand vous la verrez, elle qui revient aussi belle, aussi froide et sûre d'elle. Mon cœur, tu ne peux plus l'aimer. Mon cœur, tu l'as même oublié. Mon cœur, pourquoi me tourmenter pour un amour passé? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et même si elle m'aimait, même jamais mon cœur ne le saurait. Elle ment, mon pauvre cœur, toi tu le sais. Elle ment, même quand elle dit la vérité. Non, mes yeux ne pleuraient pas, mes mains ne tremblaient pas en écoutant sa voix, en entendant son pas. Oh non, mes yeux ne pleuraient pas, ne la regardez pas, toi mon cœur. Retiens-moi de lui tendre les mains. Mon cœur, tais-toi, ne me dis rien. Mon cœur, souviens-toi des chagrins. Au lieu de me dire, elle revient.